Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde pour venir dans son temple afin d'écouter sa parole. Nous devons profiter tous vos moments que le Seigneur nous accorde. Il peut y arriver dans nos vies parfois dans les moments difficiles de la vie. Vous désirez venir écouter la parole. Mais le temps ne vous sera plus favorable. Profitez-en pour recevoir les instructions avant que les jours mauvais n'arrivent. Le jour où tu vas désirer être dans la présence du Seigneur, mais il sera difficile de vous approcher de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer notre série de questions-réponses, j'aimerais dire ceci à toute l'Église. Napenda kusema hivi na kanisa yote mzima. Et surtout aux nouveaux convertis. Zaidi kwa wale waliamini hapa sasa. Noël n'a jamais été pour nous en tant que chrétiens, une journée spéciale. Noël kwetu aia kuwaka kwetu sisi ba Kristo aia kuwaka siku ya upekee hapana. Noël n'a jamais été une fête chrétienne. Noeli aia kuyaka kamwe karamu ya ba Kristo hapana. Le terme Noël n'existe même pas dans la Bible. Parcourez toute la Bible. Mwangalie Biblia yote mzima. De Genèse à l'Apocalypse. Tangia mwanzo kufika na kufunuo. Le mot Noël n'existe pas. Ile musemo Noël hainamo Biblia. Lorsqu'une chose n'existe pas dans les Saintes Écritures, wakati kitu akipatikane mu maandiko takatifu, cela signifie que c'est une fabrication satanique. Manake ni kitu kile shetani alitunga. Le 25 décembre, siku ya le 25 décembre, est la date dans laquelle les Romains célébraient la fête du Dieu Soleil. Ni tare ile warumi walikuwa na shangilia Mungu wabo jua. Noël n'a jamais été ou le 25 décembre. Voilà, hii tare ya makumi mbili na tano ya mwezi ya kumi na mbili. Le 25 décembre. Tare ya makumi mbili na tano ya mwezi ya kumi na mbili. Que le monde religieux appelle comme la fête de Noël. Cette date n'a jamais été la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne pouvait pas naître en décembre. Jésus-Christ est né entre mars et avril. Alakini Yesu Kristo alizaliwa katikati ya mwezi ya 3 na mwezi ya 4. C'est pendant cette période que les brebis naissent en Israël. Et vous savez qu'à l'époque de la naissance de Jésus, Israël était sous la domination romaine. Ce sont les Romains, lorsqu'ils ont changé dans les, ils ont changé le christianisme en faux, ils voulaient adapter le paganisme au véritable christianisme. Le jour où on adorait le Dieu soleil fut choisi comme la naissance de notre Seigneur Jésus. Un mensonge qui est loin de toute réalité. Mais ce qui est dommage, c'est parce que toutes les dénominations ont repris ces dogmes catholiques. Ils ont adopté ces mensonges catholiques. Les protestants, les églises de réveil, les baptistes, les méthodistes. Et comme cela est devenu une fête célébrée dans des religions, et par ignorance, beaucoup de gens croient que c'est une fête religieuse ou c'est biblique. Non, bien-aimés frères. Noël est entièrement une fête païenne. Une fête commerciale qui n'a rien à faire avec la foi. C'est pourquoi vous remarquerez que pendant le séjour terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus n'a jamais parlé de sa naissance dans sa bouche. Dans la Bible ici, il n'y a aucun passage de l'Écriture où Jésus a parlé de sa naissance. Mais Jésus a plutôt parlé de sa mort. C'est pourquoi, avant qu'il ne parte, quand il célèbre la dernière Pâque, il donne même une ordonnance sur sa mort. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous allez célébrer la Sainte Cène, vous vous souviendrez de ma mort, pas de sa naissance. Bien que la naissance de Jésus est importante, mais ce n'est pas très important. Jésus n'en a pas fait un cas parce qu'elle est de moindre importance. C'est pourquoi, si vous remarquez, nous ne célébrons pas cette fête-là ici. Et nous n'en faisons aucun cas. Si aujourd'hui j'en parle, c'est à cause de nouveaux venus qui sont au milieu de nous, des enfants qui viennent de l'école de dimanche. Alors on en parle un peu pour éclairer cela. Mais sinon, il n'y a rien. Jésus n'a jamais demandé à son Église de célébrer sa naissance. Au contraire, il a demandé à l'Église, à son Église, de célébrer sa mort. C'est pourquoi nous lisons ceci dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. L'Écriture dit ceci, versets 25-26. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà pourquoi nous célébrons la Sainte-Cène, qui est d'une grande importance pour nous les chrétiens, qui nous rappelle les souffrances de Christ, qui nous rappelle la mort de Christ, qui nous rappelle le sang versé au bois du calvaire de Christ pour notre rachat. Si le sang n'était pas versé, nous resterons éternellement esclaves du diable. Et nous serons séparés éternellement de Dieu. C'est pourquoi, pour célébrer 7 jours, donc cette journée de délivrance, de notre salut, nous le faisons en méditant ce que Christ a accompli pour nous, comment nous sommes parvenus à être enfants de Dieu, comment nous avons été délivrés et comment notre rédemption a été complètement accomplie au bois du calvaire. Que Dieu vous bénisse. Donc, tous les bruits que vous écoutez de gauche à droite, dans toutes les dénominations, c'est l'œuvre du diable. Il n'y a rien de Dieu dans tout cela. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Prenons Psaume au chapitre 3. Psaume au chapitre 3. Psaume au chapitre 3. Je prends le verset 4 et 5. Seigneur, merci. C'est avec crainte que nous approchons de ton trône et de la lecture de ta parole. C'est ta parole, Seigneur. En elle, il y a la vie. De son Seigneur par la voix du Saint-Esprit et accorde à chacun de nous ce que son cœur a toujours désiré et que ta parole soit une grande consolation dans nos cœurs. Bénis chaque frère, chaque sœur et tous les frères et sœurs qui sont en ligne au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. et tu relèves ma tête. Na unaamsha kichwa yangu. Tu relèves ma tête. Unaamsha kichwa yangu. De ma voix, je crie à l'Éternel. Kupitia sauti yangu namlalamikia Yehova. Et il me répond de sa montagne sainte. Na ekonanijibia kupitia mulima wake takatifu. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Avec ma propre joie, ma propre voix, j'écris à l'Éternel. Et l'Éternel, depuis la montagne sainte, il répond à ma prière. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai toujours entendu beaucoup de frères, beaucoup de sœurs dire, j'ai prié, mais Dieu ne m'a pas répondu. Cela était mensonge. Il n'y a aucune prière sincère qu'un véritable fils de Dieu, qu'une véritable fille de Dieu est adressé à notre Dieu, est adressé à son Père, sans que Dieu ne réponde. Ça n'existe pas. Notre Père, notre Dieu, répond toujours et toujours à la prière de ses enfants. Ça, c'est la vérité. Mais il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Souvent les hommes sans Dieu dans leur cœur, ils veulent voir Dieu s'incliner et accomplir leur volonté à leur propre temps. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Et ça ne se fait jamais comme ça. Dieu répond à chaque prière sincère. D'ailleurs, comme c'est un Dieu bon, même un païen qui le prie sincèrement, Dieu le répond. Si Dieu peut répondre à un païen, et Dieu peut même répondre aux démons, à combien plus fort à son propre fils ou à sa propre fille? Vous dites à un démon, Dieu peut répondre. Oui, Dieu répond même aux démons. Les démons qui étaient chassés de ces fous-là avaient demandé au Seigneur, il dit, laisse-nous entrer dans les porcs. Jésus n'a pas dit ce sont les cochons d'autrui. Ce monsieur-là sera pauvre. Dieu avait répondu à la prière de ce démon-là. Il dit, allez entrer là-bas. Quand Satan est allé au trône, il a parlé avec Dieu. Et Dieu lui dit, j'ai vu Job et tout ça, vous connaissez la conversation. Satan avait demandé à Dieu d'aller toucher Job. Et Dieu avait exaucé sa prière. Si Dieu peut exaucer la prière d'un démon, à combien plus forte notre prière? Le cœur de notre Dieu, le cœur de notre Père est attaché à ses enfants. Il fera toujours du bien à un enfant sincère qui lui demande quoi que ce soit. Donc Dieu répond toujours à notre prière. Mais ce que Dieu veut, il veut que vous soyez sincères, que vous soyez honnêtes, que vous soyez droit dans votre cœur. Voyez, et quand vous posez votre problème, il répondra. Parce qu'il veut vous voir être heureux. Que Dieu vous bénisse. 78e question. J'ai été baptisé deux fois. Premier baptême dans une assemblée sœur. J'avais 14 ans. Et lorsque j'ai pris mon baptême, j'ai évolué bien. J'haïssais les choses du monde. J'aimais Dieu et je priais suffisamment. En évoluant, j'ai remarqué que les ailes que j'avais avaient disparu. J'ai complètement changé. J'ai commencé à faire les choses contraires à la parole de Dieu. Après avoir remarqué cela, j'ai pris encore un deuxième baptême. C'était déjà ici à Kambov. Même après que j'ai été rebaptisé, ça ne va pas toujours. Je n'ai plus la force de la prière. Je sens que je n'ai plus Dieu. Dans mon cœur, si une fois j'essaie de me relever, je tombe toujours. Aucune force jusqu'à présent. Je suis un rétrograde. Mais venir à l'église, je viens toujours. Quelle sincérité! J'ai la condamnation de ne jamais s'absenter à l'église. Mais pasteur, dans mon cœur, j'ai la soif de servir Dieu. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Quand j'ai parcouru cette question, ce n'est même pas une question, c'est une préoccupation. Je vais demander à la sœur ou au frère de venir me voir au bureau pour un entretien privé. Je vais essayer de comprendre et de discerner ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il arrive dans cette situation. C'est vrai, c'est dangereux. Je réponds à cette préoccupation superficiellement. Il y a quelque chose de faux que tu as fait dans votre vie. Avec beaucoup de légèreté. Mais une faute capitale. Mais tu ne l'avais pas remarqué. Tu l'avais négligé. Uriisula na kuibeula. C'est le résultat de votre négligence. Jo matokeo ya kusula kwako. La vie que vous menez actuellement ile maisha huku naishi hapa sasa est le résultat ni matokeo de votre légèreté ya kuachilia kwako et de votre négligence na ya kusula kwako dans une chose importante devant Dieu, kitu kia mafa sana mbele ya Mungu, mais que tu avais minimisé à tes yeux alakini wewe ulikibeula, ulikiona sema kina na bei, en brisant la volonté du Seigneur. Ukuvunja mapenzi ya Mungu. C'est pourquoi j'aime parler avec toi pour voir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Napenda kuongea na wewe nipate kutambua ni nini ilikufikia. L'Esprit de Dieu ne s'attriste pas pour rien. Roya Mungu hayezi kuzunika tu kwa bure, hapana. Non. Hapana. Et si vous remarquez très bien, kama mukiangalishisha mzuri, dans le fin fond de votre cœur, mpana wa moyo wako, il y a quelque chose qui vous pointe. Quelque part là. Fazi fulani, où tu avais fait quelque chose. Mule urufanyaka kitu kibaya. Mais tu aimes beaucoup te justifier. Alakini unapenda sana kujihesabia haki. Tu aimes justifier la chose comme si elle était juste. Unapenda kuhesabia ile kitu asema ni kia kunyoloka. Où elle était de moindre importance. Voilà, qu'il croit qu'il y a ma fao kidogo. C'est comme je disais, j'ai répondu à l'une des questions qui m'a été posée ici. Paka vile narkuwa na jibia, ulizo moya wadini uliza hapa. Quand la condamnation vient dans votre cœur, wakati hukumu inakuwa moyo wako, la condamnation ne peut pas naître en vous comme ça. Hukumu ayezi kupatikana mumoyo wako tu hivi bila sababu. Regardez le moment où la condamnation a commencé. Tazama wakati gani ile hukumu ilianza mumoyo. Et vérifiez sur quoi la condamnation est venue. Na uchunguze ni pafazi gani ile mahukumu ilianza. La condamnation ne peut pas seulement se lever comme ça. Ayezi kuamka. Pour rien, sans rien. Bure bure bila kitu. La condamnation vient de quelque part. Hukumu inaanzia fazi fulani. C'est pourquoi nous devons être attentifs aux actes que nous posons, aux paroles qui sortent de notre bouche, aux pensées qui s'élèvent en nous. Nous devons beaucoup veiller. Ici, il vous est demandé de faire profondément un examen de conscience. Le rebaptême ne résout pas les problèmes. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Le rebaptême ne peut pas te relever. Ce qui va te relever, d'abord reconnaître là où tu es tombé, reconnaître ta faute, réparer cela, et tu vas évoluer. Aussi longtemps que tu ne reconnais pas d'où tu es tombé, souviens-toi d'où tu es tombé. Comme Dieu le disait aux églises, souviens-toi d'où tu es tombé. Vous voyez, quand tu te souviens, tu te rappelles que depuis ce temps-là, cette situation a commencé. Depuis que j'avais fait ça, j'ai commencé à remarquer ça. Voyez, dans Proverbes au chapitre 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Hawezi kama kuendelea. Mais celui qui les avoue. Alakini ule kuna ikiri. Et qui les délaisse. Na kuyacha. Obtient miséricorde. Et qu'on n'a pas ta réma. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Eri yake yule mtu yuko naendelea kuwa katika uoga. Mais celui qui endurcit son cœur anafanya moyo wake kuwa mgumu. Tombe dans le malheur. Yuko naanguka katika ole. Vous avez une grande responsabilité. Uko na buzito munene. Dans ce qui vous arrive. Uile iko na kufikia. Si ta première expérience était correcte. Kama onjo yako ya kwanza ilikuwa ya kunyoloka. Maintenant, la deuxième phase de la réponse. Sasa kipande ya pili ya jibu. Si ta conversion n'était pas correcte. Kama kugeuka wako wala kuamini kwako akukua kwa kunyoloka. Comme tu étais, tu vois, à l'âge de 14 ans. Unaona vile ulikuwa umri ya miaka 14. Tu étais un enfant ou une enfant. Comme toto wala binti. Tu n'avais pas un discernement correct de la vie. Hakuna kutambua kuzuri kwa maisha. Maintenant, quand tu prends, tu as pris de l'âge. Sasa hapa unakomea. Peut-être tu es entré dans une mauvaise compagnie. Sasa zingine uliingia mshirika ya barafiki babaya. Et vous avez esprit, et vous avez reçu les mauvais esprits de la mauvaise compagnie qui t'ont entraîné dans une mauvaise voie. Et tu as tristé le Saint-Esprit. Et voilà les choses qui t'arrivent maintenant. Vous voyez. Parce qu'à un certain moment, quand les enfants grandissent, ile watoto wanakomala, ils veulent découvrir la vie. Wanapenda wachunguze maisha vile iko. Ils veulent faire ce qu'ils voient les autres faire. Wanapenda kufanya vile wako naona bengi. Ils veulent vivre comme les gens de leur génération. Wanapenda kuishi sa bantu ba wakati yabo. Ils ne comprennent pas abaelewe que ce sont des chrétiens, des chrétiennes qui ont déjà pris un engagement avec le Seigneur. Et par négligence, ils entrent dans cette voie de plaisir de la jeunesse. Et ils perdent le boussole. Et le Saint-Esprit s'attriste. Parce que si un enfant n'a pas fait une véritable expérience de la nouvelle naissance, qu'il soit fils ou fille du pasteur, le monde finira par le rattraper. Parce qu'aujourd'hui, le monde fait une grande pression sur les enfants, pas seulement sur les enfants, même sur les adultes. C'est pourquoi, pour vaincre dans cet âge, restez attaché au message du temps de la fin. Peu importe sa dureté, vous voyez, restez attaché à la parole et vous verrez ce que Dieu fera. Et vous serez victorieux. Voyez, tu as abandonné ton premier amour, tu as commencé une mauvaise fréquentation, peut-être que ça a commencé par vos téléphones, en regardant des mauvaises choses sur votre téléphone, en regardant des mauvaises choses sur votre télévision, et cela a corrompu ton esprit, et tu as emprunté une mauvaise voie, et tu as tristé le Saint-Esprit. C'est pourquoi, en Apocalypse chapitre 2, dans son verset 4, L'Écriture dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Regarde, quand tu avais cru, tu aimais beaucoup le Seigneur, bien que tu étais un enfant ou une enfant, tu venais à l'église, tu aimais chanter, tu aimais qu'on te parle de Christ, tu aimais la prière, tu aimais écouter la parole, tu venais à temps à l'église, tu aimais le Seigneur, il y avait une affection en toi. Mais à un certain moment, ton esprit s'est corrompu par la pression du monde et tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi au verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. C'est ce que tu dois faire. Vous voyez bien, mes frères, quand vous reconnaissez où tu es tombé et que tu avoues cela, tu prends la décision d'abandonner cela, Dieu te fera miséricorde. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Mais une chose est bonne dans ta vie. Bien que tu passes cette période rétrograde, comme toi-même tu reconnais que tu es rétrograde, une bonne chose que tu fais, c'est parce que tu viens régulièrement à l'église. Un jour, le Saint-Esprit fera une œuvre en toi. Le fait que tu n'as pas quitté complètement l'église, tu t'exposes à la parole, ça c'est un point positif. Voyez, persévérer. Dieu peut te faire grâce. Un jour, Dieu peut changer la situation. Et une chose que j'apprécie, tu dis, j'ai la condamnation de ne jamais s'absenter. Cette condamnation est une lumière. Cette condamnation est un petit feu qui fume. Il y a de la fumée dans votre cœur. Cela signifie qu'il y a encore une petite vie, mais qui est encore étouffée par un péché que tu as commis, une erreur que tu as commise dans votre vie. Vous voyez, Satan ne peut pas te condamner en venant à l'église. Hein? La condamnation en ce qui concerne les domaines spirituels, qui concerne les choses de Dieu, ne vient que du Seigneur. Il y a une lumière, il y a un petit feu qui fume, qui attend le moment propice pour être allumé. Alors, examinez-vous vous-même pour voir d'où tu es tombé. Vous voyez, et la troisième chose qui m'a réjoui, dit, j'ai soif de servir Dieu et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Cette soif est un bon signe. C'est pourquoi venez au bureau. Nous allons voir qu'est-ce qui vous est arrivé et pour vous aider à vous relever. C'est la charge que nous avons de vous aider. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est compris? 79. Ulizo ya makumi saba na tisa. Que faire pour rembourser l'argent de la dîme que j'ai volé pendant longtemps? Ntafanya je nipate kurudisha feza ya chekumi ile naliiba muda mrefu. Que je demande pardon à Dieu. Eti nimombe usamaha Mungu. et que je commence à donner la dîme, na nianze sasa kulipa chekumi, ou que faire? Au nifanye je. D'abord que Dieu vous bénisse. Kwanza kwanza Mungu akubariki. Parce que Dieu aime des gens sincères. Mungu anapendaka batu ba waki ba kunyoloka. Reconnaître que tu es un voleur de la dîme depuis longtemps. Kutambua sema uku muizi wa chekumi tangia muda mrefu. Et avoir le courage de consigner cela pour que cela soit publié publiquement devant l'Église. C'est une grâce que vous avez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si Dieu te demandait de rembourser tout cet argent que tu as volé, sauras-tu le faire? Eti, utaweza? Est-ce que tu connais la somme d'argent que tu as volé? Eti, unayua wingi ya feza yote loliba? Mais notre Dieu est miséricordieux. Alakini Mungu wetu eko wa rehema. Envers des hommes et des femmes sincères. Mbele ya banamuke na wanaume bawaki. Maintenant, comme tu reconnais que tu as offensé Dieu, parce que l'argent de la dîme appartient premièrement à Dieu. Ce n'est pas l'argent du pasteur. Ce n'est pas l'argent de l'Église. C'est l'argent de Dieu. Celui qui a réclamé sa dîme. Maintenant, comme tu reconnais que tu as mal agi, prenez la décision de bien agir maintenant. En accomplissant le commandement de Dieu. Allez, je réponds à cette préoccupation. Allez à l'autel, dans la sincérité et dans la profondeur de ton cœur. Demandez sincèrement pardon au Seigneur. Restez là à genoux jusqu'à ce que vous sentez dans le fin fond de votre cœur que Dieu t'a pardonné. Que ça ne se limite pas à écrire une question. C'est un problème de mettre en pratique la parole de Dieu. Le pardon que nous recevons auprès du Seigneur, allez le réclamer jusqu'à ce que la condamnation soit ôtée de votre cœur. Si vous vous arrêtez à cette réponse, vous ne recevrez pas de pardon auprès du Seigneur. Et vous savez que les voleurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Même dans le royaume des cieux, il n'y a pas de voleurs. Alors, allez dans la profondeur de la repentance, confessez cela, demandez pardon à Dieu, jusqu'à ce que la paix vienne dans votre cœur, jusqu'à ce que vous sentez que Dieu t'a pardonné, et prenez la décision de ne plus voler la dîme du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la réponse. 81e question. Pourriez-vous m'expliquer ces deux écritures de Romains 3:20? mbili ya Warumi tatu makumi mbili et de Jacques 2 14 na ya Yakobo sura bili kumi na ine. Le frère ou la sœur ndugu wala dada veut quelques explications sur Romains 3. Anapenda mafasilio yulu ya Warumi sura tatu. Dans son verset 20. Musari yake ya makumi mbili. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Wani hakuna mtu anawezi kuhesabiwa haki mbele yake kupitia matendo ya sheria. Il n'y a aucune œuvre que tu peux accomplir. Il n'y a rien que tu peux donner à Dieu qui peut amener le Seigneur à te justifier en dehors du sang versé au bois du calvaire. Le paiement de la dîme, le paiement des offrandes, distribuer ses biens aux pauvres, aller dans les hôpitaux, distribuer la nourriture, faire du bien aux voisins. Vous voyez, donner l'argent aux mendiants sur la route, vêtir ceux qui sont nus, aller dans les prisons, donner de la nourriture, donner des dons à l'église, chanter dans l'église, tout cela ne peuvent jamais vous justifier devant Dieu en dehors du sang de Jésus-Christ. Parce que c'est pas la loi, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Le péché est la transgression de la loi. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Maintenant, quand il y a une loi, vous voyez, transgresser cette loi-là, alors vous péchez. Vous voyez, dans Jacques au chapitre 2, Jacobo sura ya pili, verset 14, Mustari ya kumi na yu, mes frères, wanduku, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi itasaidia nini kwa mtu kusema yuko na imani, si il n'a pas les œuvres, kama asina na matendo, la foi peut-elle le sauver? Eti imani inawezi kumuokoa? Vous voyez, unaona, je réponds à cette préoccupation. Unajibia kuiulizo. Dans Romains au chapitre 3, verset 20, Warumi sura 3, musara makumi mbili, où l'écriture, dans la partie B, l'écriture dit, kipande ya pili andiko inasema, dans la partie B, il est dit, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est comme je le disais tantôt ici. Quand tu ne connais pas la loi, pour toi, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de transgression. C'est lorsqu'on vous instruit qu'il est interdit de faire ça. Votre conscience est réveillée. Maintenant, tu es conscient que faire ça, c'est un péché. Faire ça, ce n'est pas juste. La connaissance de la loi n'amène pas en nous la délivrance. haitulete ukombozi apana. Il n'y a pas de puissance de délivrance amuna uwezo ya ukombozi dans la loi. Musheria apana. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, bien qu'ils connaissent que voler est mauvais, mais ils continuent à voler. Ils savent que commettre adultère est mauvais. Ils commettent adultère. Ils savent que mentir est mauvais, mais ils continuent à mentir. La connaissance de la loi ne l'a pas délivré. Au compter la connaissance de la loi a amené en lui la mort et la condamnation. Parce que maintenant l'homme sait que en brisant la loi de Dieu, je suis condamné. Voyez, plus on connaît la loi, plus on devient obéissant. La désobéissant. Donc, un désobéissant, tu désobéis. Vous voyez, la loi nous rend seulement conscients que nous sommes des transgresseurs et nous sommes des pécheurs condamnés à mort. La connaissance de la loi ne nous délivre jamais, mais au contraire, elle nous rend toujours coupables. Vous voyez, c'est pas la loi que vient la connaissance du péché. Maintenant, je suis conscient que j'ai péché. Je suis un pécheur. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de délivrance dans la connaissance de la loi. L'Église est avec moi. Plus on connaît la loi, on devient plus condamné. Parce qu'il n'y a aucun pouvoir pour vous délivrer de la loi. Mais quand tu ne connais pas la loi, tu n'as pas péché. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Parce que tu ne connais rien. Mais la connaissance de la loi te rend plus esclave. Et surtout que dans la loi, il n'y a aucun pouvoir de délivrance. Alors, la loi te dit que tu es un pécheur condamné. Et cela te rend malheureux. Mais que dit Jacques chapitre 2 verset 14? Ici Jacques parle de ce que les hommes voient. Quand vous lisez les livres de Romains, quand Dieu parle de la foi, la foi c'est ce que Dieu voit, mais les œuvres c'est ce que les hommes voient. Maintenant, quand la véritable foi naît, la véritable foi de Dieu naît dans vous, elle est toujours accompagnée des œuvres. Parce que c'est une foi vivante. C'est une foi qui respire. Pour montrer que cette foi-là a la vie, qu'elle respire, et elle se révèle par les œuvres que nous appelons les œuvres de la foi. Si vous avez réellement la foi, elle produira certainement des œuvres. Elle produira certainement sa vie. La foi sans les œuvres n'existe pas. Elle est morte. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Et sans la foi, pas de salut. Le salut vient par la foi. Mais quand la foi vient en vous, elle produit ses œuvres. Quelqu'un ne peut pas être sauvé sans la foi. où quelqu'un ne peut pas être sauvé sans les œuvres de la foi. La foi et les œuvres marchent comme mari et femme. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. C'est pourquoi vous voyez ici quand Jacques s'exclame. Est-ce que la foi, elle peut te sauver? Quand vous suivez les explications, Jacques a bien expliqué. Il dit regardez la foi d'Abraham. Quand Abraham a cru, les œuvres le suivaient. Voyez bien mes frères. C'est même pas les œuvres que sa foi fut confirmée. Voyez, maintenant quand on ne voit rien, comment on peut dire que vous avez la foi? Vous voyez bien mes frères, la foi, plus les œuvres, montre que la vie de Dieu est à l'intérieur. C'est ce qui prouve qu'on est sauvé. Oui, bien-aimé frère. Dieu, lui, voit la foi dans ton cœur. Mais les hommes regardent aux œuvres. Ce sont les œuvres qui confirment que réellement la foi est dans le cœur. Oui, bien-aimé frère. Et la véritable foi est toujours accompagnée des actes de la foi pour prouver qu'il y a la vie de la foi à l'intérieur du croyant. Est-ce que c'est bien compris? C'est pourquoi Paulo, dans Romains, a parlé de la foi à l'intérieur que Dieu voit. Jacques, lui, a parlé des œuvres que les hommes voient dans l'homme sauvé. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Voilà. 81e question. J'ai une question à propos de l'examen d'État. Est-ce que c'est un péché de suivre le circuit? Ou les réponses qu'on nous envoie par les professeurs qui nous aident, qui aident les élèves? Voilà, ma djibouille wa. Ces professeurs sont des bandits. Ils ne vous aident pas. Ils vous rendent un très mauvais service. La tricherie à l'école n'aide pas les enfants. Il y a un faux esprit qui habite les parents d'aujourd'hui qui veulent que leurs enfants passent d'une classe à une autre parce qu'ils paient des Minerval. Vous rendez à vos enfants un très mauvais service. C'est ce qui détruit actuellement le monde. C'est ce qui détruit notre vie terrestre. Imaginez un infirmier, une infirmière qui a payé son diplôme, ou un médecin qui a payé son diplôme, qui ne connaît absolument rien, bourrique. Mais quand il sera à l'hôpital, mais il va causer des dégâts, il va faire des dégâts. Voilà pourquoi nous nous plaignons. Regardez même le niveau d'études aujourd'hui. On engage un pédagogue. Quand vous regardez d'abord son écriture, C'est comme un enfant de la gardienne. Quand il écrit un diplômé dans une lettre, une petite lettre, peut-être de 4 lignes, vous y trouvez 20 fautes. Un tel enseignant, qu'est-ce qu'il va donner comme enseignement aux enfants? C'est faux, frère. Nimbaya. C'est faux, soeur. Nous, nous sommes des chrétiens. Même si tout le monde est chrétien, dans la justice, dans la droiture. N'encouragez pas ton enfant à corrompre à l'école. Fondisha mutoto yako afunde na akiri yake. Il sera utile à la société. Quelqu'un qui commence à voler à partir de l'école. Ça s'appelle à ta quoi, directeur, au ministre, à ta famille. Quand tu seras directeur. Tu parles pour un ministre qu'on est ma million. Ils n'ont aucun souci. Il y a bantu. Ça cause de ces choses, ces bêtises ici. Ces professeurs ne vous rendent pas un bon service. Pour répondre à cette préoccupation, c'est un péché pour un jeune frère chrétien, une jeune sœur chrétienne, de tricher à l'école. Ce circuit ici est démoniaque. Oui, bien, mes frères, un professeur honnête voudra transmettre la matière à ses enfants pour qu'il aille se débrouiller. Regardez d'abord, ces professeurs-là sont des bourriques. Ils ne sont même pas eux-mêmes intelligents. Parce que bien qu'ils sont dans leur bureau-là de circuit, ils sont à 5 à 6. Des fois, ils donnent des fausses réponses. Il faut pas faire ça. Moi, ma jeune sœur, ma jeune frère, moi, je confonde sérieusement. Il faut étudier sérieusement. Il comme jour, on n'a pas ta diplôme, il y a 50, mais il y a qui, il y a. Ou qu'on a eu fieri. A parler, il m'a diplômé, il y a bongo, 70, 60. Moutoura mwangi a bunga. Moutoura mwangi a bunga, na fry. Il y a bongo. Seul, quoi fondi chez ma somme? Ah, chez a fondi chaque. Ça, ou il pas ta diplôme, dit. Comment as-tu eu ton diplôme? Oh, micro-électricien. Kouyaka, installé ta moto, ta miou, y'a kufonde, chez kufonde. Kabana, ouais, kasumi, installé ton moto, y'a kouaki chahi. Mais t'es installé. Seulement une lumière domestique. Mais quelqu'un qui a fait l'électricité, incapable à installer ta moto, kounyoum. Pourquoi l'électricien, madame, là-bas? Mais un diplôme. Mais avec son diplôme. Quelqu'un qui a un diplôme en mécanique, un mécanicien. Ayoué ata kutosha ata kuvide nani ma nani mafuta ya moteur. Il ne connaît même pas comment on vidange l'huile moteur. Ni mécanicien en amnaka. C'est quel genre de mécanicien? Comment on m'embête? C'est on est parti clé à 12 et on est à couler à 15. Si vous lui demandez d'avoir. Il y a moyen de dire qu'on a oublié ce mini. Il y a mécanicien. Et qu'on a oublié la clé. Clé d'un autre numéro. C'est comme ça que le pays est détruit. Achète des points par la prostitution, couche avec des professeurs pour avoir des points. Non, c'est faux et c'est un péché. Nous, en tant que chrétiens, soyons toujours honnêtes dans ce que nous faisons. Tu es élève, étudié, travaillez avec votre propre intelligence. Obtenez votre diplôme. Ce diplôme-là aura de la valeur et devant toi et devant les gens. Voyez, frère. Le circuit, c'est une tricherie, c'est du vol. Ce diplôme-là que tu obtiens par le circuit n'est pas ton diplôme. Tu ne sauras pas le défendre. Vous devez abandonner ça. Même vous, les parents qui donnez l'argent pour payer les professeurs de circuit, vous êtes dans le péché. Et vous devez vous repentir et arrêter cela. Prenez le temps. Si vous voyez que ton enfant n'est pas intelligent, ta fille n'est pas intelligente, ou mutafutie mwarimu, a pu me relever niveau yake. Ayez le temps de surveiller les cahiers de vos enfants. Même si toi tu n'as pas étudié, prenez néanmoins un temps de contrôler ce que ton fils fait. Ce n'est pas seulement le travail de l'école, c'est aussi le travail de nous parents. Vous veillez à leurs devoirs. Oh, ne chakuri pas makuta, ne chakuri pas makuta, oui. Ne chakuri pas makuta, il est ma frère à l'état, il y a l'état, il y a comment ça. C'est le frère de l'état scolaire. Maintenant, l'enfant doit s'appliquer. N'encouragez pas les enfants dans ces bêtises-là. Vous les détruisez. Parce que le jour qu'il sera engagé quelque part, Ayou et Kint, il ne connaît rien. Mais haï, tu seras couvert de honte. Voyez, frère, dans tous les domaines, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la justice, avoir être comme avocat, juge, tout ça, il faut être calé. Comme mon n'a pas de diplôme, il y a que n'a qu'il y a que, en ayant pour y défendre, le monde, même la société reconnaîtra que, comme on avait pour l'avocat, en ayant chérie, comme on est d'accord le médecin, très bien. Comme on est infirmier en Akubamba, à ta couture, on a bien. À part avoir infirmier, à eu, à Koutafuta, Mouchipa, Tangora, à la Tomola, au cou, à la Géouza, au cou, à la Tomola, au cou, à la Ndiaoukou, ou quoi infirmier, ou un homme Nakani, ou quoi infirmier, ou un homme Nakani. Ou le bifunda, Dieu. Ma stage, ou le fouana, Dieu. Même les choses les plus élémentaires. Ah oui, tu ne connais rien de tout ça. Mais où qu'on a diplôme. Mais avec ça, tu as un diplôme. Non, ça ne doit pas être ainsi. C'est mauvais. C'est du vol. C'est une tricherie. Il ne faut pas encourager nos enfants à faire ça. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici. Je pense que tout le monde a compris. Avez-vous compris? Bête, je pense que vous dans ma somme. Comment? Mutoto yako anashindwa, si ton enfant échoue, umwache arudie mwile masomo. Laisse-le reprendre la classe. Ce n'est pas la fin du monde. Oh non, nilesha kulipa ma masomo nilesha kwa bei. Il faut que l'on éducation yake njoe ko bei. Il faut savoir que c'est son éducation qui coûte. Mwache le mambo ya kutambusha batoto. Ye ana na akili, anatambuka kinesha kwa kilefu, bulefu njoe akili. Il devient très géant. La corpulence, c'est le monde qui a c'est la corpulence que Dieu lui a donnée. Il a dit que si l'enfant est trop géant, c'est un péché. Oh, en gardant la pas, à quoi ça m'a maman yabo, est-ce que Nizambi? Est-ce que c'est un péché pour ça? Ma somme n'est fondée la kubuze. On étudie même tout en étant. C'est pourquoi dans l'ancien temps, quand mon temps Anaïcha a dit, Anaïcha et une humanité, les universitaires d'autrefois l'ont étudié avec les femmes. Et qu'on a bibi, même à Lumbashi, il y a un camp où il y avait les étudiants avec des femmes. N'a pas tout qu'on a fondé ma somme. Ma somme, on t'a dit qu'il fonde même à ta ou qu'on a 70 ans. Il n'y a pas de retard. À 70 ans, qu'on a pour Tchelewa. Et il n'y a rien à se précipiter. Apprenons nos enfants à être honnêtes partout où ils sont. Parce que nous sommes des chrétiens, il y a un œil qui nous regarde, un œil invisible, l'œil du Tout-Puissant, qui nous regarde dans tout ce que nous faisons, si nous sommes corrects avec sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous pour un mot de prière. Seigneur notre Dieu, la sagesse et l'intelligence viennent de toi. Nous profitons de cette question pour réclamer une grande sagesse et réclamer de l'intelligence pour nos filles et nos garçons. Seigneur, mets dans leur cœur cette soif d'étudier, qu'ils aient le plaisir, qu'ils aient la joie d'apprendre, de connaître ce qu'ils apprennent et de savoir pratiquer correctement ce qu'ils ont appris. Seigneur, il est écrit dans ta parole, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il en demande. C'est pourquoi ce soir, aide nos enfants à fuir la tricherie, qu'ils sachent que c'est un péché, que tu leur donnes de la sagesse pour qu'ils brillent. Même là où ils vont, que tout le monde sache que ces enfants sont des chrétiens et qu'ils sont intelligents. Non pas leur propre intelligence, mais l'intelligence qui vient de toi. Tu as donné de la sagesse et de l'intelligence à Daniel, à Shadrach, à Abednego. Tu l'as donné à Job. Tu l'as donné à Salomon. Tu es le même. Fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.